aujourd'hui. On construit l'habitude sur des incertitudes. J'en prenais le chemin, alors je me suis assis. M'en prends un interlude, je prends de l'attitude. Au jour le jour, comme je le sens, je passe mon tour comme le suivant. Je défie le sort, je réponds absent. Il nous faut changer tout ça pour une fois et pourquoi pas changer tout ça avec papa. Changer, il nous faut changer tout ça pour une fois et pourquoi pas, pas changer tout ça avec toi. Je le sens, je défie mon sort, je réponds absent. Changer, il nous faut changer tout ça. Pour une fois et pourquoi changer tout ça avec toi. Changer, il nous faut changer tout ça. Pour une fois et pourquoi changer tout ça avec toi. Tout ça pour une fois, mais pourquoi pas changer tout ça avec toi. Changer, il nous faut changer tout ça pour une fois et ne pourquoi pas.